Les Misérables, troisième ensemble. Voici, en 1h05, le troisième ensemble des extraits des Misérables, roman publié par Victor Hugo en 1862. Choix des extraits, résumés et enregistrements de Jean-Paul Alexis, juin 2017.